d'Amsterdam dans la couche. Ya ya ya ya ya. Une bouffée d'oxygène dans la couche. Ya ya ya. Dans le vide, je respire à peine. Le succès m'a donné des ailes. La même bitch qui me tournait le dos en photo dans l'appareil. Bientôt, comme moi quand mon aura fait mouche. Allô, la terre ici y'a pas d'eau. Je loue comme un son de franc-maçon. Qui sont-ils vraiment? I don't know. Avant Dieu y'a rien de toutes les façons. I got hope, tout est beau. J'fais le show, en lampo. Un négro, quand elle lâchait dans le zoo. Et on fait tourner ça sans la couche. Un peu d'Amsterdam dans la bouche. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Une bouffée d'oxygène dans la couche. Yeah, yeah, yeah. Dans le vide, je respire à peine. Le succès m'a donné des ailes. La même bitch qui me tournait les deux mains en photo dans l'appareil. Bientôt, comme moi quand mon aura fait mouche. Vers succès c'est pas tromper. Vers succès c'est ne pas se tromper. Tant de billets jaunes, vert, violet. J'ai tout nié, toi balancé. Tout est écrit, ouais qu'ils m'ont dit. Les mêmes qui ont dit que j'arriverai pas. Jamais négro sans terre en vie. Jamais négro ne baisse les bras. J'illumine, j'élimine, ennemi. Et maintenant pas de parole, pas de patte sur l'ellipse. Si je rime dans la ville c'est que je suis sur les champs. Grosse salope, quatre pattes sur le bitume. Inoffensive je fuis, une offensive je tue. Une gencive de plus. Sur le bitume j'accumule un brouillard bagarre de rue. J'prends le réseau négro, j'te laisse que le wifi. Au studio j'fais que du sale, au studio tu ne fais que du bruit. Il tue pour prendre nos terres comme J-Bush, Saddam, R.I.P. J'ai toujours pas navigué, pourtant j'connais que des rapides. Dems, dems. Un peu d'Amsterdam dans la bouche. Ya, ya, ya, ya, ya. Une bouffée d'oxygène dans la couche. Ya, ya, ya. Dans le vide, je respire à peine. Le succès m'a donné des ailes. La même bitch qui me tournait le dos en photo dans l'appareil. Bientôt, comme moi quand mon aura fait mouche. Blâle-moi pas. J'marche dans la ville comme une âme en vrac. En attendant qu'il tombe sous le haka. J'observe comme King Kong au-dessus de Manhattan. Voilà déjà une plombe que j'suis fracas. Allongé dans une tombe pleine de vue tracas. Je viens d'un autre monde ici, je ne m'y fais pas. Que cela ne t'étonne, je viens de là-bas. Tout ce ciel louche. Un peu d'Amsterdam dans la bouche. Ya, ya, ya, ya, ya. Une bouffée d'oxygène dans la couche. Ya, ya, ya. Dans le vide, je respire à peine. Le succès m'a donné des ailes. La même bitch qui me tournait les deux mains en photo dans l'appareil. Bientôt, comme moi quand mon aura fait mouche. Elle m'a fait gagner des femmes à mes pères, celles que j'aimais. Mon jus d'amour sur ton visage, j'ai pas qu'une marrage, j'ai pas regardé passer. Tu vois des mots qui m'ont regretté, j'ai que des meilleurs pour la dinette. À cet âge, je te tous mes vices, les victimes me disent, j'aurais pas dû faire. Je crois qu'on a Mississippi, là où personne sait qui je suis. J'suis ta mère, j'suis rôti, dans un biscuit. J'vois encore et encore, histoire de bien, mais d'or. J'étais le petit homme, le pire, en main sous les pieds de la robe, j'me brûlais les ailes.